cryptographie. De Yann Corridian et Sophie Quintan. Huitième épisode. Allô, grand-mère, c'est moi. Hello, doudou. Je suis en première, je te signale. Alors, doudou, juste au téléphone, hein. Pas devant qui que ce soit. Ok, doudou. Ça va, là, on est au téléphone. Il faut vous rabibocher avec papa. Il est complètement stressé par l'arrivée de Christian. C'est toujours ton frère, ce Christian Abdel ? Oui, doudou. Ton père m'énerve en ce moment. T'as toujours énervé, grand-mère, papa. Je sais ce que c'est, hein. Moi aussi je l'agace, c'est normal. Je suis l'aîné, moi aussi. Pourquoi c'est toujours l'aîné qui trinque ? Je ne sais pas, doudou, je ne sais pas. Mais toi, c'est différent, tu es fils unique. Doudou ? Je te laisse, grand-mère. Et essaie de faire en sorte de vous parler avec papa, s'il te plaît. J'essaierai. Bisous, doudou. Bisous. Papa ! Papa ! Oui, poulet ? T'as toujours rien dit à grand-mère pour le bébé ? Non. Et pourquoi ? Je sais pas, chérie, je sais pas. J'ai l'impression de mentir quand je lui parle maintenant. Et à Boris ? Tu l'as dit à Boris au moins ? Non. Bon, je peux te rembourser que 500 euros, parce que j'ai pas reçu mon virement de la CAF, et que Dominique devait se faire embaucher à l'école Montessori de la rue des Bluets, mais au final, ils ont pris un putain de percussionniste rwandais. Ouais, là, j'avoue, vous pouvez pas lutter. Mais t'es sûr, ça t'embête pas que je te demande de me rembourser ? En vrai ? Oui. Bah, si, ça m'embête. En plus, je croyais que tu me l'avais donné, moi, cet argent. Qu'il était un peu comme la somme des cadeaux de tous mes anniversaires que t'avais oublié de me faire. Et en plus... Bon, et en plus, rien. Je le mets à ton nom, chèque. T'as pas pris de liquide, comme on s'était dit ? Si, mais Dominique m'a demandé de lui enfiler au moment où je partais, parce qu'il devait rembourser Mathieu, là. Tu sais, Mathieu de Cabarlet. Oh, t'es chiante ! Non, mais vous êtes chiant ! Tu crois quoi, Christelle ? Que je peux attendre ? Que je parle là et que ça compte pas ? Mais comme cette histoire de cadeau d'anniversaire là, tu te fous de moi ? Je trouve que c'est indigne ! Cet argent, je te l'ai prêté, et pas pour que Dominique puisse rembourser ce crétin de Cavarlet là ! Je te l'ai prêté quand t'es venu t'installer à Paris ! Quand tu m'as téléphoné dans un état pas possible ! Tu voyais pas de solution, que ta fille venait de naître ! Tu me disais que t'avais même pas de quoi lui acheter des couches ! Eh ben j'étais là, non ? Non ! J'ai pas scié, je suis allée à la banque et je t'ai retiré 6500 francs ! Et tu dis rien, hein, t'as jamais dit grand-chose d'ailleurs, comme moi avant, mais là, pardon, hein, et quand je dis pardon, je te demande pas vraiment, hein, mais là, je l'ouvre, et tu sais pourquoi ? Parce que je suis amoureuse, et j'en ai ma claque de vivre en ayant toujours peur de dire ce que je pense. Pardon. Je vais au distributeur, je vois ce que je peux retirer, et j'arrive. Excuse-moi pour cette histoire de cadeau, c'est con. ...40, 60, 80 et 100 qui font mieux. Merci de m'avancer, c'est hyper sympa, Glida. Pas de problème. C'est quand même grâce à toi que je me suis libérée de l'emprise de cette dingue. Ça ne marchait plus, votre couple avec Sylvie. Ça n'avait sans doute jamais marché, d'ailleurs. Ouais. Elle était trop silencieuse, imbue d'elle-même, prétentieuse et... Et grosse. Oh. Ah ouais. Tu vas réussir à trouver le reste ? Je sais pas, sans doute que non. Ça va, ta nouvelle ? Ça va. Je crois que je vais la demander en mariage. Putain ! Tu te souviens quand tu disais... Merde, je me souviens plus ce que tu disais. Je te laisse les clés de la voiture, si tu veux aller chercher Abdel. Tu veux ? Non, je vais y aller en scooter. Et ça va, ta mère ? Non, mais t'inquiète pas. Vas-y, on t'attend sûrement. J'adore imaginer que tout le temps, où que tu sois, quelqu'un t'attend quelque part. Tu as raison. Moi aussi, j'aime bien penser ça. Je repars demain pour Caracas. Je fais la traduction simultanée pour un colloque. Psychanalyse. Passe et passeur. Les mots me manquent pour t'encourager. Hey, Guida, merci. Merci encore. Deux au chocolat noir d'Équateur. Un vanille de Madagascar. Et je peux mettre combien dans la boîte, madame? Pardon, mademoiselle? 8. Ah. Madame. Madame, pardon. Et alors, un fruit de la passion chocolat au lait pour finir. J'étais sûre que tu serais là. Bon, viens, on est à la bourrette. Non, j'ai pas payé. Allez, Chanel. Le vol Sillianer 31-08 en provenance de Damas, qui devait arriver terminal 2-2 à 22h40, aura 45 minutes de retard. Veuillez nous excuser pour ce léger désagrément. Putain, fais chier. Pardon, mais nous, on est à l'heure, et là, comme d'habitude... T'as trouvé une place à quel niveau? Je sais plus, mais j'ai fait une photo de notre numéro d'emplacement. Quel parking? Je sais pas, le parking de l'aéroport, quoi. Ouais, bon, on passera une heure pour retrouver la voiture. Parking E-2, place 111. Tu me prends vraiment pour une banane, en fait. Vous êtes le neveu de Christian Marie Abdelbel? Oui. Pardonnez-moi, mais... et vous... vous aussi? Non. Mon père, comment dire? Travaille. Enfin, oui, travaille. Avec votre oncle. Et il fait quoi, votre père? Comme votre oncle. Ah, et pourquoi vous couriez? Je sais pas. Je sais pas. Mythographie. De Yann Corridian et Sophie Quintan. Huitième épisode. Avec Thomas Sagols, Christine Gagneux, Guillaume de Tonquédec, Noémie Landreau, Laure Calamy, Odile Lauria, Nelly Morgenstern, Mustapha Abourachid et la voix de Lise Billien. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Bernard Laniel. Emmanuel Armin. Yaël Mandelbaum. Laure Egorov.